plus tel morceau, un hommage pour tous les gars de ma génération. Ceux qui ont posé leur première rime il y a plus de 10 ans. J'applance une de plus pour ceux d'avant. Les oubliés du hip-hop qui ont fait avancer le truc pour pas un rang. Quand les autres ramassaient le bénéf à leur place, avant qu'ils en viennent à baisser leur froid comme les putains avant chaque passe. Pendant que le rap se démocratise et qu'à les soirées ça dansait le mia, filer des baffes à ceux qui se branlaient sur Nirvana. Dans les radios la moitié de la reçoit, surface B7 et freestyle. Rime écrit parfois sur un coin de table, loin des ambiances clash de 8 mice. Pour remonter niveau entraînement intensif comme pour une mission. Embrouille avec le DJ quand il me l'avait annoncé la fin de l'émission. A l'époque, beaucoup de rappeurs croyaient entrer dans la légende. Ils sont partis la queue entre les jambes et celle de l'industrie dans le rectum. On veut du bon son, rien à branler de vos trucs dansants. Passons pas sévère dans le hip-hop, peu importe d'être à contre-sens. Pas de beau discours, juste du gros rap qui tabasse. Triste mélodie pour les blocs, la mélancolie dans le sang. Du bon son, rien à branler de vos trucs dansants. Persévère dans le hip-hop, peu importe d'être à contre-sens. Pas de beau discours, juste du gros rap qui tabasse. Triste mélodie pour les blocs, la mélancolie de Georges, colis dans le sang. On a mis les couilles sur la table à l'époque, sélection espoir. Aujourd'hui les apprentis putes n'arpentent plus un autre trottoir. Drapé dans le noir, la génération de grand-père, que veux-tu y faire? Les jeunes de 20 piges connaissent ni Rico ni le ministère. J'ai trop à faire, même si dans le passé j'ai déjà beaucoup fait. Et dans ce qu'on fera, des paires de baffes pour ceux qui viendraient s'y frotter. Ça sent l'alcool frelaté, la bière bon marché, les culs de joints cramés. Les missés chour câblés dans la surmoite des concerts MJC. Même si je sais, j'ai la nostalgie de tous les vieux de mon âge. Les requins enfin sont dans le bassin frérot, fais gaffe où tu nages, c'est grave. Combien de caves au micro se sont pris pour des tueurs? Combien de mecs qui bédavent se sont inventés des histoires de dealers? Remise constante des pendules à l'heure, au final toujours les mêmes gars en haut, les mêmes gars en dessous, les mêmes girouettes prêtes à nous sucer le cou. Au bout du compte, je repartirai les bons souvenirs dans un coin de la tête, dans un coin de mon cœur. Forte tête te la mettre sur fausse texte. On veut du bon son, rien à branler de vos trucs dansants. Persévère dans le hip-hop, peu importe d'être à contre-sens. Pas de beau discours, juste du gros rap qui tabasse. Triste mélodie pour les blocs, la mélancolie dans le sang. Du bon son, rien à branler de vos trucs dansants. Persévère dans le hip-hop, peu importe d'être à contre-sens. Pas de beau discours, juste du gros rap qui tabasse. Triste mélodie pour les blocs, la mélancolie dans le sang. Et moi je fais pas du BMX, et je suis pas là pour le spectacle. On m'appelle Tus, pas DMX, et le plus souvent on m'appelle pas. Je rappe dans mon coin pour mes trois potes, j'écris les jours d'intempéries. Je reste le même qu'à l'époque où je kiffais les scratchs de dynastie. Un mec bien à l'ancienne, loin d'être un mec dans la tendance. Avec dans le phrase et la souffrance, et dans le regard trop d'éloquence. Loin de la culture urbaine, je porte des t-shirts à ma taille. Je fais la musique que j'aime, pas là pour faire danser le bétail. Le rap c'est pas les soirées mondaines, où même les mecs se font la bise. Serre-moi la main, prends ta peigne dans les soirées ou bien on baise. Ou bien on tease. Avec les potes on s'en rappelle. À chaque soirée ça frôle la crise. Et chaque matin c'est le Doliprane qui me roule des pelles. Un bordel. Reste mélodie pour les blocs quand la déchéance s'empare des décibels. T'as du vrai rap et pas de la pop. Y'a trop de vécu en stock que ça rentre pas dans un stick. Avec la console elle prend un choc quand je tire une grosse latte sur un titre. On veut du bon son, rien à branler de vos trucs dansants. Persévère dans le hip hop, peu importe d'être à contre-sens. Pas de beau discours, juste du gros rap qui tabasse. Triste mélodie pour les blocs, la mélancolie dans le sang. Du bon son, rien à branler de vos trucs dansants. Persévère dans le hip-hop, peu importe d'être à contre-sens. Pas de beau discours, juste du gros rap qui tabasse. Triste mélodie pour les blocs, la mélancolie dans le sang. Du bon son, rien à branler de vos trucs dansants. Persévère dans le hip-hop, peu importe d'être à contre-sens. Pas de beau discours, juste du gros rap qui tabasse. Triste mélodie pour les blocs, la mélancolie dans le sang. Du bon son, rien à branler de vos trucs dansants. Persévère dans le hip-hop, peu importe d'être à contre-sens. Pas de beau discours, juste du gros rap qui tabasse. Triste mélodie pour les blocs, la mélancolie dans le sang.